And now add the plural forms. You'll hear a question beginning, Avez-vous? Do you have or have you got? But this time, change the possessives for his or her to my. For example, Avez-vous ces cartes de crédit? And you reply, Non, j'ai mes cartes de crédit. No, I have or I've got my credit cards. Similarly, if you hear the singular forms, for example, Avez-vous sa valise? Reply, Non, j'ai ma valise. Vous comprenez? Bon. Et encore, après la pause, écoutez la bonne réponse et répétez. D'accord, vous commencez. Avez-vous sa valise? Non, j'ai ma valise. Avez-vous ses lettres? Non, j'ai mes lettres. Avez-vous ses croissants? Non, j'ai mes croissants. Avez-vous sa clé? Non, j'ai ma clé.